Chapitre 2e. C'est donc à l'étude attentive des matières contenues dans le Nouveau Testament que nous devons demander ce que fut réellement le Dieu des chrétiens, là et par ailleurs. La réponse ne se fera pas attendre. Tout homme de bonne foi, d'une intelligence moyenne, pourvu qu'il sache lire, sera bientôt édifié. C'est pourquoi le Concile de Toulouse, réuni en 1229, décrit à ce qui suit: il est extrêmement défendu aux laïcs d'avoir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, excepté le psautier, le bréviaire ou les ordres de la Bienheureuse Marie, pourvu que lesdits livres ne soient point traduits en langue vulgaire. Le Concile de Toulouse avait parfaitement raison d'attribuer aux prêtres seuls l'étude des livres prétendus saints et inspirés, puisque c'est de cet examen que s'en sortit la réforme de Zwingli et de Luther, la philosophie rationaliste du XVIIIe siècle, et finalement la libre pensée moderne. Les livres du Nouveau Testament comprennent, suivant l'ordre adopté par l'Église romaine, les quatre évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse de Jean. Notons en passant que de ces livres, nous n'avons pas les originaux, mais de prétendues copies, très altérées, de l'aveu même des pères de l'Église, et que la tradition a prévalu, sans doute pour en augmenter l'obscurité, de ne pas les placer dans leur ordre chronologique. Ainsi, depuis les travaux de l'école de Tübingen, on sait que les principales épîtres de Paul sont antérieures aux évangiles et que les dates assignées à ces derniers sont de pure fantaisie. Mais passons. L'Église nous donne les livres du Nouveau Testament comme révélés, c'est-à-dire écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, une des trois personnes de la Trinité catholique. D'autre part, elle prétend que Jésus, surnommé le Christ ou Messie, est le Fils de Dieu, consubstantiel à son Père, c'est-à-dire de la même nature que lui, et qu'il est né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit qui ne fait qu'un avec les deux autres. Dieu s'est donc engendré lui-même. Voilà le dogme, voilà ce que, selon l'Église romaine, tout être humain doit croire, sous peine de la damnation éternelle et des flammes de l'enfer. Eh bien, nous allons ouvrir les évangiles. Malgré la défense du Concile de Toulouse et de leur rapide lecture, de leur comparaison, naîtra pour nous cette conviction que Jésus est né, comme les autres hommes, du commerce de son père et de sa mère, et qu'à partir d'environ 30 ans, il a commencé à se mêler aux disputes religieuses de son temps, dans un esprit d'anticléricalisme très accentué. Nous apprendrons encore que, mêlé un peu malgré lui à l'agitation politique contre les Romains, il périt, victime des embûches tendues par les prêtres, s'il est mort sur la croix, ce qui n'est pas prouvé. Enfin et surtout, nous pourrons conclure de cette lecture et de cette comparaison que Jésus non seulement n'était pas Dieu, qu'il n'a jamais voulu se faire passer pour tel, et que l'idée seule en eût pénétré d'horreur ce monothéiste, adepte fervent de la loi mosaïque.